Si ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous bien que vous auriez pu être Stefan Zweig et avoir décidé de vous suicider après avoir vu faillir tous les idéaux pour lesquels vous avez lutté. Il y a un mystère inexpugnable dans les raisons pour lesquelles un être décide de se tuer. Pourquoi Zweig a-t-il décidé de se donner la mort au Brésil le 11 février 1942, entraînant avec lui sa jeune épouse Lotte? Peu de temps avant sa disparition, il avait rencontré un autre écrivain, Jorge Bernanos, lui aussi réfugié au Brésil, même si Bernanos se situait aux antipodes de Zweig dans ses références culturelles comme dans ses prises de position politiques, il avait cherché les mots pour faire reprendre espoir à l'Autrichien. Peine perdue, quelques jours plus tard, Zweig décidait d'avaler des barbituriques en compagnie de sa femme. Les clés de son suicide se trouvent peut-être dans le livre qui peut passer aujourd'hui pour son testament, Le Monde d'hier, la certitude de voir une double fin, fin du monde que l'on aime, fin aussi des certitudes que l'on pouvait avoir au sujet de ce monde. Comme l'écrivait Zweig, « Il ne m'a été d'aucune aide d'avoir entraîné mon cœur durant presque un demi-siècle à battre au rythme universel d'un citoyen du monde. Non, le jour où l'on m'a retiré mon passeport, j'ai découvert qu'à 58 ans, qu'en perdant ma patrie, on perd bien davantage qu'un petit coin de terre délimité par des frontières. » Dans la lettre qu'il laisse derrière lui, il explique qu'il ne se reconnaît plus dans ce monde-là, un monde où la destruction prédomine, où l'humanisme n'est plus qu'un mot vague, sans contenu. Mais ce n'est pas seulement le désespoir qui a tué Zweig. Certes, il croyait en la victoire définitive du Reich, mais surtout, il se croyait citoyen du monde et c'est cette illusion qui se défaisait sous ses yeux. Lorsque les États-Unis entrèrent dans la guerre, le partisan Zweig aurait pu reprendre espoir, mais c'est le pacifiste en lui qui se désespéra. Il achevait Le Joueur d'échecs, un roman publié à titre posthume qui mettait en scène un exilé autrichien que les nazis poussaient aux frontières de la folie. Mais c'est peut-être aussi dans une œuvre de jeunesse que l'on trouve l'une des raisons de son suicide. Jérémie, pièce de théâtre achevée en 1917. Pourquoi s'intéresser au prophète Jérémie ? Parce qu'il est, écrivait Zweig, notre prophète. Il n'a pu qu'annoncer et pleurer les ruines. Il n'a rien empêché ainsi de nous. Et maintenant, bonne journée puisque vous n'êtes pas Stefan Zweig.